m'entendez, ça? Allô, allô. Je vais à mon tour remercier Isabelle de Becker et le musée de la bande dessinée d'accueillir cette rencontre. Je suis évidemment très très heureux d'accueillir Yves Gobet au Matsuki. Je tiens vraiment très sincèrement à les remercier d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce colloque bande dessinée, beaux-arts, patrimoine croisé. Donc je pense qu'on est là en face de nos deux artistes dont les réalisations sont véritablement emblématiques pour cette porosité entre bande dessinée et beaux-arts qui est au cœur de notre discussion depuis deux jours. Alors, je propose de commencer par une question assez simple en fait. Qu'est-ce que ça fait de voir accrocher sur un mur des choses qui avaient, a priori en tout cas, on aurait pensé en tout cas qu'elles avaient pu être conçues pour être dans un livre comme le sont notamment les planches de bande dessinée. Donc là, ici, c'est l'expo de Yves Gobet au Carrefour Muséum de Bâle. Et voilà, l'expo de Renzo Mattotti à Boudinet, si je me trompe. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Lorenzo. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que. Ma, je le trouve très naturel pour moi et pour mon travail. Et je le trouve aussi pour son travail. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que ce soit pour tous les travaux de Balessi. Il y a certains travaux, pour moi et personnellement, qui sont faits exprès pour l'impression. Mais certains, au moins moi personnellement, quand je faisais sous l'original. J'ai jamais pensé, j'étais jamais quelqu'un qui réfléchissait à les résultats imprimés. En fait, ça me plaisait l'idée de voir qu'est-ce que ça passait dans l'impression. C'est-à-dire, moi, les couleurs que je mettais, il devait être très fort quand je le faisais. Et la coloration, les relations de la matière et tout ça, je devais être convaincu de le voir sous l'original. Et si ça ne me plaisait pas, je devais. Peut-être dans l'impression c'était bien, mais moi je devais absolument voir que l'original s'atteignait, surtout avec les couleurs, les relations des couleurs. Et je me souviens d'un feu, il y a trois ou quatre images très sombres, et je me disais, moi je voulais absolument chercher de la profondeur dans les sombres. J'ai joué avec des noirs mats, des noirs brillants, des gris, et je me posais la question, qu'est-ce que ça va passer de là? Bon, il n'y en a pas, mais ça va. Et je me disais, qu'est-ce que ça va être dans l'impression. Je suis très curieux de qu'est-ce que ça va être. Mais pour moi, ça devait être très important de qu'est-ce que je voyais sous le papier. Alors pour moi, l'original, c'est très très important. Et ça ne me donne pas que soit exposé. Au contraire, quand ils sont exposés, mes originaux, les gens peuvent voir les couleurs. Il y a certaines matières qui sont très difficiles à imprimer. Et par contre, quand tu les vois du vrai, ils sont très très lumineux et très forts. Alors, je n'ai jamais fait vraiment un travail de graphiste. Il y a des auteurs extraordinaires qui pensent seulement à l'impression. Alors, je le trouve très naturel, surtout aussi maintenant, de pouvoir voir sur le mur les développements d'un certain auteur, de la poésie d'un certain auteur. Voilà. Et le résultat imprimé, il est jeune. Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est vraiment. Voilà, enfin, on est vraiment dans une satisfaction absolue, il y a toujours une satisfaction. C'est quoi? De l'impression? De l'impression. impression. La vibration, c'est toujours une surprise. Maintenant, c'est beaucoup avancé, toute la technique du laser, de l'impression. Maintenant, la qualité, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens, la première fois qu'ils ont publié feu à l'écho des savanes et tout ça, parfois, il y avait toute une histoire qui était sous le bleu, l'autre plus sous le rouge. Mais moi, j'avais une sorte de distance avec les résultats. Je disais, ah, on va voir qu'est-ce qui se passe. Un peu pop, tu vois, de voir des versions. J'étais curieux de voir qu'est-ce que ça va passer dans l'impression. J'ai jamais sacralisé, en fait, l'impression. J'ai plutôt sacralisé le moment de la création. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais j'ai toujours cette mentalité. Je suis jamais choqué. J'ai fait des études en humanité artistique à Saint-Luc et au sortir de ces études, je me disais que je voulais faire la peinture. Et puis mes profs m'ont fait bifurquer vers l'illustration et ça m'allait. Du moment que je pouvais continuer à dessiner, c'est cool. Et puis j'ai découvert le rapport texte-image et le rapport texte-image pour moi c'était l'ouverture d'un monde incroyable. Où on n'est jamais en panne d'image parce qu'il y a toujours une sorte de support du récit. Néanmoins, cette question de la peinture m'a toujours accompagnée. Et puis, au sortir de mes études, j'ai rencontré les gars qui étaient à l'époque étudiants en BD à Saint-Luc et qui sont devenus aujourd'hui. Cette équipe de Frémok, éditeur vraiment aux charnières de la bande dessinée et de la peinture. Ce qui m'a toujours paru important quand on fait de la bande dessinée, c'est d'essayer de comprendre la spécificité du médium. Et une des spécificités, évidemment, c'est la question de l'impression, du livre, etc. Et donc, peut-on, oui ou non, exposer, est-ce une bonne idée d'exposer les originaux qui sont faits à destination d'impression. Dans mes premières années, je ne me suis pas trop encombrée de cette question et j'ai travaillé en parallèle toujours carnet, peinture et bande dessinée. Mais assez rapidement, il me semblait qu'il fallait ouvrir les frontières de la bande dessinée, qui, à l'époque, je parlais des années 90, étaient quand même extrêmement fermées, cloisonnées et très codifiées. Et donc, un des moyens pour ouvrir la bande dessinée vers des autres possibles était d'aller flirter avec les autres champs artistiques et celui qui est tout de suite tout près, évidemment, la peinture. Et tout notre groupe était dans cette dynamique-là. Et puis un jour, j'ai enfin pu trouver un moyen de faire des passerelles entre ce monde de la bande dessinée et de la peinture. En imaginant un projet dans lequel il y a de la narration, c'était Les Hommes Loups, dans lequel il y a une narration, mais pas pré-écrite à l'avance. Il y avait un thème, ce thème, je l'ai développé sur un concept d'image à 3, à 4, à 5, à 6, etc. De telle manière à pouvoir créer des sortes de puzzles d'images qui s'imbriquent les unes dans les autres. De cette manière, je pouvais imaginer de faire un montage qui allait s'adapter à un récit plus construit, néanmoins un peu moins pré-écrit que ce qu'on a l'habitude de faire en bande dessinée, si on reprend les méthodes un peu traditionnelles qui sont, on écrit un scénario, on le découpe, on fait un chemin de fer, et puis on illustre. Ici, je voulais partir des images d'un stock, comme une banque d'images, pour pouvoir construire une narration. Et en même temps, cette banque d'images me permettait d'imaginer un système d'accrochage des originaux dans une autre forme beaucoup plus ouverte de lecture. Voilà. Et moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'était de voir comment on pouvait un peu déconstruire les questions de la narration dessinée et donc de la bande dessinée. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Et peut-être une question ici, les Zoulous, je me trompe peut-être, ça a d'abord été pensé pour être montré sur des murs de galeries, par exemple. Non, justement, non. C'était les deux ensemble. Et je pense que là, j'ai eu une joie de pouvoir faire une perméabilité entre le champ de la peinture et le champ de la bande dessinée. Et aussi, il faut dire qu'à cette époque, enfin, c'était pas il y a 1000 ans, hein, mais dans les années 90, la bande dessinée n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ce terrain de jeu très expérimental, super intéressant, etc. C'était vraiment beaucoup plus cloisonné autour des stéréotypes, des genres, des codes, etc. Et aussi, quand je me retrouvais avec des invités, des amis, des artistes venus du monde, je sais pas, de la musique contemporaine, de l'art contemporain, etc., on nous regardait, quand je disais que je faisais de la BD, un peu comme des grands guignols. Bon, ce que je trouvais super chaud. Enfin, c'est chaud d'être un grand guignol, c'est vraiment la chance pas possible de... Parce que quand on est grand guignol, on peut tout faire. Ça, c'est génial. Avec nos amis de Frémok, en tout cas, ce qu'on a décidé, c'était de ne pas rentrer dans une complainte de « Oh, mais pourquoi la bande dessinée n'est pas respectée comme un médium qui, quand même, vaut la peine, etc. » On s'est juste dit « On va faire péter tout, quoi. On va tout faire péter, puis ça ira. » Je pense qu'on peut parler peut-être, rester un petit peu sur cette dialogue, exposition, livre, peut-être céder la parole à Lorenzo, parce que si je me trompe, donc Irlanda qui a été exposé à la Galerie Martel à Paris, c'est une bande dessinée, c'est un grand livre, mais il y a aussi des dessins qui sont nés de cette réalisation-là. Donc ça s'est passé dans quel ordre? Est-ce que... Moi, je voulais reprendre un peu la demande que tu m'as fait, la question que tu m'as fait avant, mais je voulais dire que ce problème d'exposer, c'était pour mon travail en couleur. Il y a tout un côté du travail avant les couleurs de feu et tout ça, qui s'était fait vraiment en noir et blanc, parce qu'à cette époque-là, on pouvait que faire en noir et blanc, parce que ça coûtait trop cher et tout ça. Et c'était plus traditionnel. Et moi, je disais, mais je ne sais pas, là, c'est un travail plutôt de documentation à l'exposé sur le mur, plutôt que c'était pas fait pour faire le mur. Par contre, quand j'ai commencé les couleurs, ça a changé complètement la relation avec l'original. Les noirs et blancs, pour moi, les premiers noirs et blancs, c'était vraiment pour être imprimé et tout ça. Alors, il y a des différentes façons de réfléchir aux questions de fait. Après, justement, après feu, j'ai commencé à faire des peintures, à sortir de la convention de la bande dessinée. J'ai fait autre chose, je crois qu'après j'ai commencé à faire aussi des travaux qui pouvaient être exposés sur le mur, qu'ils avaient une force. Je me posais la question, est-ce que ça vaut la peine de l'exposer sur le mur ou non. pour moi. C'est alors que tu commences à réfléchir à des grandes images ou des séries d'images et des peintures. Je commençais à faire des acryliques et tout ça. Ils affrontaient vraiment les langages de l'exposition, qui en fait ils pouvaient qu'être exposés, parce qu'ils sont faits pour être exposés. Et quand tu me demandes des guirlandes, guirlandes c'est arrivé vraiment après longtemps, après feu, il y a 30 ans de travail, il y a beaucoup d'autres travaux, de peinture. Salut Tim. Illustration, affiche, exposition et tout ça. Et le travail de guirlande, c'était pour retrouver un plaisir de faire une sorte de bande dessinée, disons, entre guillemets, traditionnelle, c'est-à-dire le plaisir d'improviser pendant que tu fais l'histoire et de créer dans les moments. Retrouver une sorte de. Vraiment des plaisirs purs, comme étaient au départ des auteurs qui faisaient des bandes dessinées chaque semaine et continuaient une histoire, ils ne savaient même pas où aller, ils continuaient à improviser. Parce qu'à un certain moment, j'ai trouvé que la dimension de la graphic novel, du livre et tout ça, c'était devenu tellement fort, tellement dur, qui doit construire exactement un livre. Qui doit arriver à un résultat, qui doit arriver à une signification très importante, didactique, pédagogique, sérieux, profond, et tout ça. Et là, j'ai dit en certain moment, attends, oui, c'est super bien, c'est très très bien, je l'ai fait moi aussi, en certain moment, j'avais l'impression avec moi-même de perdre une sorte de nature qu'il y a dans les bandes dessinées. Il y a quelque chose de grand plaisir de créer des mondes, de créer des mondes intérieurs très libres. Et qu'ils sont exact. Moi, je crois qu'ils sont vraiment de la bande dessinée, de la nature de la bande dessinée. Et quand j'ai fait l'histoire, d'abord j'ai commencé avec des petits dessins improvisés dans mes cahiers, qui c'était déjà des histoires. Après, j'ai fait l'histoire. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire des images plus grandes sur le papier de palais, que je n'ai pas utilisé pour l'impression, pour faire des autres objets, m'allier tout le temps au monde des guirlandes. Mais ce n'est pas le plus innovatif, je dois dire, de mon travail. Il n'y a pas d'innovation, il y a surtout un retrouver un vieux plaisir que j'avais quand j'étais jeune, d'embarquer, histoire, faire, et de s'élasser dans l'imaginaire, et le plaisir des mouvements, non, de se promener dans un monde, de voir ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est intéressant d'avoir la lutte de mille par rapport à ça aussi. Je trouve vos parcours sont assez différents. Dans la mesure où toi, tu es vraiment quelqu'un qui est de l'école de la bande dessinée, enfin, ça se sent. Oui, on est une génération différente. Oui, mais voilà, mais bon, il y a des gens qui ont l'âge de lire, qui étaient des immenses lecteurs de bande dessinée. Toi, c'était, pour ce que je m'en souviens des interviews que j'ai écoutées, c'était assez peu le cas. En fait. C'était un peu arrivé à la bande dessinée sans avoir une. Oui, je ne connaissais rien. Oui, là aussi, je pense que ça a été pour moi une chance plus qu'une contrainte. Je repensais à cette question de quand on crée une porosité entre les. Ça me trouble aussi. Ah, pardon. Oui, non, je ne plaide pas. Je vous dis, c'est vrai que ça. Je m'en ai senti. Voilà, je ne bouge plus. On va rester sur les mardins. Merci. Je pense que ce qui m'a toujours amusé, c'était d'être désobéissante. Désobéissante avec les études qu'on me faisait faire, désobéissante avec ce qu'on attend de nous comme rendu. Donc, si je dois faire de la bande dessinée, je vais essayer de faire tout sauf de la bande dessinée. Si je dois faire de la peinture, je vais faire tout sauf de la peinture. Et ce qui m'amusait donc, c'était quand je crée des images plutôt pour exposer, et de rentrer dans le cadre un peu plus confirmé de l'exposition, de l'image sérieuse de peinture, etc., de briser les codes en faisant entrer justement les codes des bandes dessinées, donc d'éventuellement mettre des bulles, même de jouer presque avec le système de cases, etc. Et à contrario, si je suis dans le registre du livre, de faire péter ça, faire péter les codes, mais pour ça, il faut un peu aller les chercher, les comprendre c'est quoi les codes pour pouvoir éclater les systèmes. Je trouvais intéressant de ne pas faire de bande dessinée quand on nous attend là-dessus et de faire de la bande dessinée quand on nous attend sur un terrain plus prout-prout, quoi. Je vais peut-être faire autrement alors pour éviter de donner des petits pas une surprise comme je vois. Ah non, c'est pas. Non, mais on va y aller. Je vais peut-être parler des questions de. On va bifurquer sur complètement autre chose, mais bon, je le remets comme ça, désolé. Sur la question des relations interpersonnelles. Parce que j'entendais en interview que. Sur les questions des relations interpersonnelles, parce que je pense que c'est aussi une question qui me semble-t-il vous aborder. Enfin, toi, tu parles du rapport filial, du rapport au sein du couple. Chez le réseau, on voit souvent le couple dans les trains, chez toi aussi parfois. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je pense que ces sujets-là sont particulièrement des sujets qui sont dans le non-dit, le non-verbal, enfin voilà, une relation mère-fille, une relation père-fils, une relation de couple est quelque chose qui ne peut pas uniquement se traduire par des mots. J'ai l'impression que dans votre travail, il y a justement une volonté d'essayer par des moyens qui ne sont pas directement celui verbal, qui ne sont pas uniquement verbaux, d'atteindre. D'essayer de trouver la vérité de ces relations. Cette relation avec les textes et les images, c'est très compliqué, surtout quand on fait la bande dessinée. Et moi, dans mon travail, peu à peu, j'ai compris que mon intérêt, c'est donner le plus de puissance au côté d'image. À peu à peu lever l'importance du texte, ou sinon les textes soient complémentaires. C'est-à-dire, normalement, académiquement, on écrit les scénarios, on fait les images, on écrit d'abord les textes, après on fait les images, un rapport à ce qu'il est écrit, parfois c'est d'écrire ce qui se passe dans les textes. C'est-à-dire, l'image est au service. La plupart de l'image, c'est au service du texte et de l'histoire. Moi, peu à peu, j'ai compris que de plus en plus, comme moi je faisais des histoires, quand j'ai commencé à faire des histoires tout seul, que j'ai commencé avec les images. J'ai commencé à faire des rythmes d'images, des séquences qui m'intéressaient, et commencé à les raconter avec le développement de l'image. Les textes, à peu, il arrivait à apparaître. Il arrivait comme contre-champ, complémentaire et tout ça. Mais toute la structure des histoires, c'était basé sur le rythme des images, sur l'organisation des images, sur la force expressive des images et communicative des images. Et à peu, j'ai vu que... Après, j'ai commencé à faire des livres avec des images. Peut-être des livres d'images dans mes cahiers. Et à un certain moment, je me suis aussi posé la question, j'avais toute une série d'images très fortes, un peu comme un secret, si tu veux, Ultramar et tout ça. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut un texte? Normalement, un éditeur, tu qui lui envoie des images, dit « Ah, mais peut-être Seigneur, je fais un texte, ça, le public comprend rien, il faut, on ne peut pas copier, tout ça. » Moi, simplement, j'ai dit « Non, ça va. » J'ai compris que cette image, si on ajoutait un texte, le texte est inutile, soit illimité la force évocative d'une image, la puissance, parce que le texte tend à rationaliser, à logique, à la logique, tout ça. Dans la force des images, c'est justement qu'ils ont une autre logique. Passer, c'est comme raconter la musique. On entend la symphonie de Beethoven et on écrit, et maintenant l'image a une force expressive, communicative, énorme. Et parfois, moi je trouve que la bande dessinée, elle est très frustrée. Il y a une sorte qu'on tente toujours à baisser, parce qu'il y a la logique de la narration, la logique de l'histoire, de tout ça. Et par contre, moi je me rends compte dans cet artiste que j'ai aidé beaucoup, moi ça m'intéresse pas. J'ai regardé les images et pouf, et l'image me racontait beaucoup plus. Peut-être aller à dormir et j'ai rêvé des images que c'est de la distance, ça m'a fiché complètement. Les yeux de plombe de Alberto Breccia, aussi Crépax, cette image érotique de Crépax. Putain, l'histoire c'est nul, il n'y a rien d'intéressant. C'est des images, au Charles Bass, au Black Hole, au Munoz, tu vois, moi les relations avec les images, c'est direct, tu vas derrière le cerveau et t'exprimes, tu communiques des choses. Moi, ça, j'ai compris un peu que ça m'intéresse ça. Après, peut-être le texte, il ajoute des choses, j'ai besoin de faire une poésie, des mots, c'est comme de la musique, les mots ajoutés à des images. Et de plus en plus, ça m'intéresse de donner la puissance, les mystères, les vocations que les images en soi-même ont. C'est pour ça que parfois j'ai un gros conflit maintenant de créer une nouvelle histoire à mon dessin. Je ne veux pas tomber dans les conventions. C'est que Dominique a commencé tout de suite à les casser. Moi, je suis un autre corps, j'ai toujours une sorte. Et les conventions de la narration, parfois, ils te portent vraiment à baisser les niveaux de la profondeur et de la communication. Alors, ta question au départ était l'intrapersonnel. Ouais. Déjà, la question, je ne comprends pas tout à fait, parce que c'est, tu veux dire comment on évoque des gens. Avec qui on est en relation proche dans notre travail, c'est ça? Oui, enfin, cette question était née de l'interview que tu avais donnée, où tu expliquais justement que cette question intrapersonnelle était vraiment au cœur de ton travail. Oui, ouais. Ouais, non, mais c'est pas grave, ces questions sont très bifurquées de toute façon. Souvent, c'est bien quand même la réponse est plus intéressante. Donc si tu veux répondre à la scène, c'est super. Non, parce que, oui. Juste, oui. Effectivement, cette question traverse un peu mon travail, mais en vrai, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne me suis jamais demandé si j'étais une autrice de bande dessinée. Je travaille avec du texte, je travaille avec de l'image, basta, c'est tout. Et donc, parfois, ça prend telle forme, parfois telle autre, et en fait, c'est vraiment le projet qui vient insuffler la forme que nous devons donner à un travail. Et pour exemple, là vous voyez un double portrait de ma fille et moi, ma fille Nikita. Et avant ce livre-là, donc ce projet-là est un projet que j'ai vraiment pensé pour un livre. Et avant ce livre-là, j'ai fait un récit autour de ma relation avec ma mère en bande dessinée. C'est peut-être le récit de bande dessinée le plus, entre guillemets, classique pour moi que j'ai pu faire. J'explorais des relations et des violences familiales que j'ai connues dans mon enfance. Mais devenue mère, je me suis un peu inquiétée de savoir quel genre de mère j'allais devenir et si j'allais moi-même répéter des schémas de violence, etc. Et j'avais ma petite fille, toute mignonne, et je me disais, je dois répondre à cette question en créant quelque chose. J'avais remarqué de temps en temps que, voilà, parfois je regardais ma fille et j'étais prise d'une vague d'amour, alors que, à la base, je ne comprenais pas très très bien cette histoire d'amour maternel, d'instinct, etc. Et donc je me suis dit, bah, peut-être je devrais faire des croquis de ma fille au moment où j'éprouve ce truc de dingo. Et je courais chercher un carnet et je me suis dit, je vais faire ça pendant un long temps dans sa vie, je vais la croquer continuellement chaque fois que j'éprouve ce truc. Et peut-être après un temps, ça va répondre à des questions. Ça ne pouvait plus prendre la même forme que le premier travail, qui était une BD très autobiographique, qui racontait vraiment un truc. C'était l'instant. Je vois ma fille, je dois la dessiner. Sauf que quand j'ai commencé à faire quelques portraits d'elle, j'ai trouvé ça un peu cucu, pour dire la vérité. J'ai accumulé quelques jolis portraits de ma jolie petite fille. C'est pas très intéressant. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, je me suis dit, si je veux parler de l'amour entre elle et moi, du rapport de lien, et le lien, c'est le temps, il faut que j'inscrive ce projet dans une durée, par exemple 10 ans, et que je me confronte à son regard aussi. Et donc, je lui ai proposé comme ça qu'on fasse le portrait l'une de l'autre pendant 10 ans, une fois par semaine. Voilà, c'est tout. C'est un concept tout con, tout bête. Et voilà. Ça tenait pas. Évidemment, ça dépendait beaucoup de ma fille et de l'attraction qu'on allait pouvoir créer entre nous. C'était pas gagné. Il se fait que ça a tenu. Et donc, j'ai publié. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est important ça, parce que. En fait, c'est à partir de l'intimité, de la sensation intime, des relations humaines et tout ça, que ça sort après la forme. Oui, c'est ça. La forme qui est chose. Et cette forme, elle peut prendre justement cette image de relation entre fille et cousine. Moi, dans l'homme à la fenêtre, à un certain moment, j'avais envie de raconter des relations intimes très, très lentes, très faible, très impossible à attraper, des choses, des petits changements, des sentiments qu'on a dans la vie quotidienne, les relations entre hommes et femmes, la vie, les pensées, les changements et tout ça. Et j'ai commencé, j'ai veillé du couleur, des feux, des histoires plus symbolistes, plus mystérieuses, plus fantastiques. Et je trouvais que la ligne fragile, celle que j'aime, je dis la ligne fragile, c'est-à-dire une ligne très blanche, une ligne expressive, une ligne que ça peut être soit violente, soit très très blanche, très fragile, pouvait être la forme pour raconter ses sentiments antérieurs. Et ça, c'est, je crois que c'est une chose très importante que. Les formes de qu'est-ce qu'on fait, ils passent toujours à partir de les besoins de concrétiser des choses que ça n'existe pas, qui sont insaisissables. Et c'est justement l'intimité, pour moi, j'ai commencé à raconter une certaine intimité, à travers une sorte de ligne et de forme, qui après il a pris cette forme très étrange, et c'était à changer complètement l'esthétique, une sorte de. Une forme pour laquelle moi j'étais connu, ma tortille était connue par les couleurs, par les rêves, par les fantômes, tout ça, et casser l'idée que là le public, que même parfois on est obligé à continuer ça, les styles, ça devient une cage. Oui, c'est. Et il y a surtout dans la bande dessinée, moi je trouve, plus aussi dans l'art. Hein, oui. Dans l'art. mais dans la bande dessinée, tu es presque obligé à répéter toi-même tout le temps, parce que la répétition, comme dit Umberto Eco, je ne vais pas encore, la répétition des personnages, des structures comme ça, ça fait il crée une affection entre public et auteur, et c'est ça l'essence de la bande dessinée. Moi, je ne suis pas tout d'accord, parce que je suis de notre génération. Je pense encore que la bande dessinée, c'était un moyen d'expression exactement comme tous les autres, et qu'on pouvait faire une histoire historique, une histoire intimiste, comme dans le cinéma, un réalisateur, il fait un film d'amour, il fait un film d'aventure, un film en costume. C'est-à-dire, c'est l'histoire. C'est l'histoire ou les livres, l'objet qui est important, qu'il a tout, ses références, il crée sa chose, mais après on peut changer complètement de forme et des choses, on a besoin de ça. Je pense aussi que du projet doit naître la forme et pas le contraire. Je me suis retrouvé que j'ai la forme, j'ai des dessins, j'ai des choses très très fortes et c'est des émotions quand même, c'est des choses très fortes et j'ai un gros problème de les organiser dans une sorte qu'on peut créer un objet que les autres peuvent comprendre. Pour venir en communication. Mais aujourd'hui. Mais maintenant, on s'en fiche. Ouais. Parce que justement, voilà. Aujourd'hui, la bande dessinée est arrivée à un stade, à un niveau où la question rejoint plus la poésie. Je dis la poésie au sens vraiment large du terme, c'est-à-dire que il y a des associations d'images, des associations de textes. Je trouve plus intéressant d'envisager. Le rapport texte-image dans une forme poétique, parce que dès qu'on arrête de parler en termes de est-ce que je fais de la peinture, est-ce que je fais de la bande dessinée, est-ce que je fais de l'illustration, est-ce que je fais de l'animation, et plus en termes de poésie narrative, en fait là on peut tout se permettre. Et ce décloisonnement, il est absolument vital à la création. Et surtout, si on ne fait pas un livre, on fait une exposition avec toute une série d'images narratives. Narratives qui créent une sorte de grande narration par image. En fait, l'image narrative, pendant la période de l'art, c'était un sacrilège. Ouais. L'art ne devait pas être narrative avec le modernisme, l'arrivée du modernisme, l'abstraction. Je me souviens d'une interview de Bacon qui continuait à dire « Je lutte continuellement avec les formes qui doivent être antinarratives. Le pauvre n'est pas réussi. » Le pauvre n'est pas réussi parce que chaque fois que je vois une image de Bacon, il y a toute une histoire. Il me raconte des histoires. Et cette histoire de faire raconter dans l'art, tout ça, moi je la trouve complètement bon. Ça pouvait être une recherche dans certaines périodes historiques, très précises, tout ça. Mais tout l'art du monde humain, elle était toujours narrative. Et je voulais, comme référence, un de mes grands maîtres, c'était Renato Cadigaro, que j'étais envoyé, qui, lui, dans les années 60, fin 70, 80, c'est un des personnes qui plus m'a influencé à cette idée d'ouverture où l'image et la poésie ils se mélangent ensemble et donc il détruit complètement l'idée des bandes dessinées, mais il construit l'idée des poèmes en image. C'est ça, c'est 80-82. Et lui, c'était un grand théoricien, c'était un artiste un peu comme Alberto, complètement inconnu, c'était très intellectuel, il théorisait beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans la même ville, ville, une nuit, c'est-à-dire qu'on passait des nuits, des soirs à discuter justement sur, des, sur la bande dessinée comme un moyen d'expression, les frontières, les conflits, les médias, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'a poussé vers, pas lui, avec les discussions, il m'a poussé à l'exploration de tout un champ. Mais lui, c'était pas du tout très connu, un côté un peu marginal, parce qu'il n'était pas à la mode, il n'était pas un jeune mec sous la drogue, sous le grand frigidaire, c'était pas du tout à la mode. C'était quelqu'un hors du temps. Hors du temps, ils sont cette image-là, qu'encore maintenant, ils ont une force expressive, une ouverture poétique, comme ça, que ça m'étonne encore beaucoup. Je voulais te dire, parce que tu as parlé des mots et des images, des relations comme ça, et ces pages, ils sont de la pure poésie visionnaire et images narratives. Images qui, ça aussi c'est intéressant parce que dans la bande dessinée, il y a l'idée que les images, une à côté à l'autre, une à côté de l'autre, racontent une histoire. Si tu prends cette structure, tu arrives à ça. Tu arrives à la grande liberté de mettre, de poser une image à côté de l'autre et de créer un monde narratif. Ou un glissement. Hein? Un développement, un glissement, une métamorphose, une idée que tout est en mouvement, que tout ça change, mais. Et aussi, une art séquentielle, c'est-à-dire des séquences. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que, à vous entendre, je vais prendre le point de vue naïf, c'est que le créateur, ayant un peu de liberté, et le scénario qu'on balance, où il faut absolument tout mettre en image, apparaît comme ça, comme un, peut-être comme une forme de contrainte un peu pénible. Tout le paradoxe, c'est que tous les deux, vous avez multiplié les collaborations. Et donc, ça m'intéresse de voir comment on peut collaborer, travailler avec Jérémy Kransky, avec toute une série d'auteurs, et aussi des adaptations littéraires. Donc comment est-ce que cet apport extérieur, se construit la figure d'artiste, de l'auteur avec un grand A, on s'attend à ce que ce soit la personne qui est toute seule, qui impose la singularité de sa poétique, de son univers. Or, vous avez repris une pratique qui est très courante en bande dessinée, mais qui est beaucoup moins dans l'art contemporain, dans l'art en général, qui est si on parle dans l'art ancien, c'est pas vrai, qui est celui de la collaboration. Donc, qu'est-ce que l'alter ego peut apporter? Et on peut partir sur des exemples concrets, si vous voulez. Moi, de toute façon, dans ma pratique, j'ai toujours cherché à fouiller la maîtrise. Je pense que faire un travail qui va perturber moi d'abord, parce que je recherche ça, j'ai besoin de... évidemment, d'une petite part de connaissances, d'expérience, d'un moment de maîtrise, mais pour moi c'est très minime en fait. Je pense qu'il faut absolument chercher en soi et accepter notre part de handicap. Et que le moment où on accepte notre part de handicap, notre mauvaise... nos travers, notre mauvaise maîtrise des choses, le moment où on l'accepte, alors là, il se passe quelque chose. Et donc, dans cette dynamique-là, à partir d'un moment, j'ai commencé effectivement à travailler avec des gens. D'abord, ça s'est mis par hasard, parce que je ne pensais pas en être capable. Ça me faisait très peur. J'ai été invitée par l'ALES Grand Atelier, qui est, vous avez sans doute entendu parler de ça, l'ALES Grand Atelier, qui est un centre d'art pour personnes porteurs de handicap. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer presque mon alter ego, en tout cas un complice incroyable, extraordinairement talentueux, qui s'appelle Dominique Théâtre. Et on a fait un travail ensemble. Et ben là, il n'y a pas eu le choix que de laisser tomber totalement son ego, sa pratique, pour s'ouvrir à la rencontre et au choc même de temporalité du dessin, etc. Et donc, Dominique Théâtre était un gars qui avait un handicap mental, mais qui était un pur génie de ma boule. Se mettre un moment au service plutôt d'un travail et de ce qui en découle, plutôt que de se dire « Ah, j'ai besoin de faire valoir mon propre, personnalité, tout ça », je ne crois absolument pas. Sur ça, je te rejoins complètement, Lorenzo, quand tu dis « le style », moi le style, j'en ai rien à foutre. Mais alors vraiment, je trouve que c'est le truc le plus ennuyeux sur Terre, d'avoir un style, quoi. Un style, c'est une prison, quoi. C'est voir les autres. Oui, en plus, puis alors après, on t'attend au tournant, mais oulala, t'as pas fait ces trucs. Non, il faut tout de suite renoncer au style, à mon avis, moi je trouve ça. Et voilà. Et puis, ce qui est intéressant quand on fait une collaboration, c'est que, on se rencontre des fois, là, on est au service entre guillemets, de l'œuvre, du travail. Et on laisse tomber les questions de faire valoir son ego, sa personnalité. C'est le seul moyen pour que ça marche. Aussi de faire rencontre avec une personne qui pense ça également, parce qu'il ne s'agit pas de prendre le dessus l'un sur l'autre. Donc il faut que chacun accepte de ne pas prendre le dessus sur l'autre et aussi reconnaisse que le monde de l'autre peut apporter quelque chose. Et que tu vas pouvoir voyager vers un endroit où tu n'irais jamais tout seul. Ça, je trouve vraiment génial. Oui, pour revenir à le style, moi je l'appelle même pas style, je l'appellerai formule. Quand tu trouves une formule que ça marche, tu les répètes tout le temps. Les styles, en fait, on les dépend. On peut changer toutes les formes possibles, mais les styles sortent. C'est notre personnalité. Et pour revenir à la collaboration, moi j'ai toute une autre histoire parce que moi j'ai commencé à faire la bande dessinée, je voulais faire la bande dessinée traditionnelle, j'étais tout jeune, et j'avais rencontré un grand copain à l'école, qui s'appelait, on l'appelle Jerry Prince, et on a commencé en fait ensemble. Lui il aimait beaucoup écrire, mais aussi dessiner, on a commencé à écrire, à dessiner ensemble des petites histoires. Alors là, moi j'ai toujours aimé travailler avec d'autres. Je n'ai jamais eu une énorme confiance dans mes capacités de faire tout seul. Et l'idée, c'était un compagnon, c'était mon frère. On a fait tellement de choses ensemble. Et à peu, on a passé des moments qu'on voulait faire une histoire traditionnelle parce qu'on voulait apprendre. On voulait apprendre un langage. Il n'y avait pas d'école à cette période. Ça n'existait pas du tout d'école pour la bande dessinée ou pour les langages de la bande dessinée, au contraire, c'était hors de loi. Et on s'amusait à peu à faire tout ce qu'on avait envie de faire, les comiques, les grotesques, l'histoire d'aventure, et on essayait, on le faisait, on simplement expérimentait les relations avec la musique et tout ça. Alors, pour moi, aussi, j'avais mes frères qui faisaient de la musique. L'idée, c'était toujours de travailler en collectif. Moi, j'ai toujours adoré avoir quelqu'un avec qui discuter, avoir des idées ensemble. Normalement, pour moi, c'est plus facile d'avoir des idées si tu as quelqu'un avec qui tu parles que tout seul. Je me souviens des cauchemars quand je faisais feu. je me perdais dans un labyrinthe mental et tout ça pour trouver une cohérence. C'est super fatigant. Par contre, quand tu es avec quelqu'un, seulement que tu parles et tout ça, ah, ça c'est une bonne idée. Ah oui, on peut faire cela, on peut faire cela. Et j'ai toujours adoré ce moment de créativité avec quelqu'un. Et justement, c'est, il faut travailler avec quelqu'un qui. Ça n'existe pas l'ego, ça existe l'objet. Oui, l'objet, c'est l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et aussi dans les cinémas, hein, les grands scénaristes ne sont pas eux qui donnent aux réalisateurs ils donnent les idées, ils sont capables de changer tout le temps les idées. Bon, le maximum que j'ai fait, collectif, c'était les films d'animation des ours, où là, tu es obligé à travailler avec tout le monde. Mais c'était très fascinant. Alors, pour revenir à ta question, il y a tout un côté que j'adore travailler avec quelqu'un, et je suis allé chercher aussi des gens qui ça m'intéressait. J'ai rencontré Claudio Persanti, qui c'était un écrivain, c'est encore un écrivain, mais aussi à faire une histoire ensemble, Stigmate, tout ça, avec Jorge Zentner. C'est toujours des, comment dire, des gens que j'aime, que je peux travailler avec. C'est très difficile pour moi d'avoir un scénario écrit et les répéter. Jorge Zentner, on faisait l'histoire au fur et à mesure chaque semaine. Avec Lilian Brosi, c'était ma ex-compagne. Il y avait une relation intime très très forte. Et justement, on s'est battu aussi pour des histoires. À un certain moment, j'ai à peu découvert une façon en moi-même de faire des séries de dessins, des peintures, des séries de choses, que c'était tout en moi, que j'avais envie. Et c'est comme ça que ça a commencé à grandir, à tout mon monde plus, disons, interpersonnel, que j'avais pas besoin de parler avec les autres. Mais j'ai toujours la littérature, travaillé sur un texte de littérature, moi je l'ai trouvé toujours très fascinant pour moi, de prendre des textes que j'ai adorés, que j'ai aimés, tout ça, et pouvoir les réinterpréter, donner ma possibilité, surtout que j'apprends beaucoup aussi pendant que je le fais. Et voilà qu'il y a cette relation entre, comment dire, un travail collectif, que j'aime beaucoup, une dimension collective, et une dimension privée, plus personnelle, qui a besoin de sortir. Il y a des moments, je me souviens, il y a des moments que peut-être je travaille pour un livre avec quelqu'un, après un autre, certainement, je commence à avoir dedans une tension, une structure que je dois faire sortir, et c'est là que je vois que je dois faire sortir mon propre monde qui pousse, qui bat. Il a besoin de sortir et là je dois trouver la façon de le faire. Alors, on avance déjà, reste genre un quart d'heure. Ce que je propose, c'est un petit jeu, je vais sélectionner. Alors, des choses qui sont des influences, je sais que c'est des influences, d'autres, je suis bonheur que c'est peut-être des influences. C'est peut-être des rapports qui sont plus de l'ordre de l'humain. J'ai fait défiler. Il y a des images que je pensais à chacun d'entre vous, mais n'hésitez pas à commencer, donc ça c'est plus simple. Voilà, ici. C'est un nom qui revient souvent. Et donc après, je montrerai une. C'est ça. Comment ça fait juste. Sa parole, mais n'hésitez pas à intervenir sur l'influence ou la possible influence que je soumets à l'autre. Moi j'ai fait mes études d'illustration à Saint-Luc et j'avais deux professeurs qui étaient un peu âgés et en mode l'illustration c'est les petites choses pour les enfants avec les gentils nounours, c'est les gentils petits-tons et les gentils petits chiens et petits chats. Et moi ça m'allait pas du tout et je voulais que ça pète. Et j'étais déjà dans cette idée de, on pourrait faire des sortes de pages énormes de carnets où on met juste une sorte de logorée de dessins et de textes ensemble. Et puis j'ai découvert Madame de Baume, mais ça a été le choc absolu. Tu avais dit que c'était ça qui t'avait amené à en dessiner, alors que tu as dit, on n'est pas... C'est d'ailleurs que je ne connais pas ces dessins. Enfin, je reconnais, mais... Alors, Enzo, quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux. José Munoz. C'est un des grands maîtres. Il est... José Munoz, il vient, lui, élève d'Alberto Breccia de Bouprat. Alors, ça, comment il arrive moi j'étais déjà dans l'agence qui après a publié José et j'ai vu tout de suite les premières planches. Ils étaient très beaucoup pratiques, mais à peu et je les rencontrais tout de suite. Ils étaient en Italie, José et Carlos, et tout de suite il y a une sorte, il y a eu une sorte d'amour, des relations, c'était comme des frères. Et il a, c'est un des grands auteurs qui il a poussé le langage à partir traditionnel et à peu ça commence à casser les conventions, casser les styles, les stylèmes, d'un style noir, froid et réaliste, entre guillemets, ou copratien, il commence à détruire utiliser des traits différents dans les histoires. Les personnages commencent à vieillir, ils commencent à avoir des relations personnelles et tout change les caractères. Chose que c'était pas normal à cette époque, qu'un personnage de bande dessinée commence à changer aussi les formes, et à peu, José, il a commencé à mettre toute cette tension avec sa vie personnelle, tous ses rêves, ses cauchemars. Les dessins, ils commencent à se développer tout le temps et ça devient une œuvre ouverte avec d'autres épisodes. D'autres... C'est un des exemples des maîtres qui nous donne, qui nous ouvre les fenêtres, qui dit ah, c'est possible ça. Et on était. On vivait presque les mêmes périodes, exactement. On se voyait souvent. Et moi, j'ai beaucoup appris aussi. Parfois, j'allais à la maison et je voyais que j'avais jamais vu un dessinateur de bande dessinée dans ma vie. Et j'ai vu comment il construisait les planches, qu'est-ce qu'il y avait derrière les noirs. En fait, tous les dessins étaient faits. À peu, lui, il commençait à mettre les noirs, il commençait à mettre les choses les choses les plus importantes pour faire comprendre le dessin et tout le reste, l'essentiel. Bon, c'était maître et frère aussi, tu vois. Parfois, il me dit, ah, frère, non. Mais pour moi, c'était un grand frère aussi, comme ça. Et ma, encore maintenant, c'est un grand plaisir. Alex Barbier. Oui, Alex Barbier. Attends, on peut passer aussi. Voilà, auteur de bande dessinée complètement outsider, qui était. Enfin, je ne sais pas comment il est arrivé à la bande dessinée, mais en tout cas, complètement entre peinture et bande dessinée, avec un rôle loufoque et ultra brutal, très fantasmatique, et qui a été une figure importante pour le framework et son virage vers une bande dessinée qui touche au trip. Ouais, sur la poésie, je pense que c'est bien, peut-être un des premiers à avoir fait ça, même si c'est une poésie qui est enfin, pas poétique au sens où on l'entend. Alex Barbier, pour moi, c'est une sorte de compagnon de route. Comment dire, on voyait en Europe des gens, soit en France, soit en et ils avançaient pour ils exploraient certains territoires et on voyait qu'on était dans la même exploration après avec des directions différentes. Et alors, moi personnellement, je ne peux pas dire que c'était un maître, je disais, ah, lui aussi, il est en train de chercher et d'ouvrir des sentiers, des nouveaux chemins, pour casser des conventions à cette période. C'était une période très forte, hein, les années 70, aussi, 80. On note cette page ici, mais spécialement à l'époque, les pages du BD, c'était une multitude de cases. C'était quand même un des premiers qui a commencé à proposer quelque chose qui est entre l'illustration et la page du bande dessinée, parce qu'il y a deux cases, l'Oscar aussi, mais... À cette période. Si, c'est quand même un peu plus radical. Oui, oui, oui. Et Lorenzo, c'est Dino Buzzati, c'est une illustration de la fameuse invasion des Ours en Sicile. C'est une histoire, ça c'est des dessins qui ça date fin guerre, 1948-46. Et ça fait partie, Dino Buzzati, ça fait partie des auteurs qui m'ont beaucoup influencé. Surtout pas pour les dessins ici, mais pour cette. Dino Buzzati, c'était un écrivain très connu, il a écrit Le désert de Tartare, et c'était une œuvre connue dans le monde en Europe, mais c'était aussi un peintre, et il a fait aussi une histoire en bande dessinée, qui s'appelait Poema Fumettien en italien, et ils avaient. Faisait des peintures narratives, comme si c'était des histoires, un peu comme les vieux tableaux de Cantastore à Sicile et tout ça. Et il m'a beaucoup influencé, soit la façon de raconter les histoires, des mystères, laisser des mystères, des épisodes, comme donner les mystères, l'évocation de quelque chose de magique, comme ça dans la littérature, mais aussi la façon de créer des mondes symboliques, mystérieux, avec beaucoup de références à la métaphysique, le surréalisme et tout ça, mais aussi avec les mots dedans. Et dans, aussi Krams, qui l'aimait beaucoup comme écriture, on a fait beaucoup de références à lui pendant une période aussi, des images, une certaine histoire qu'on a mis, une sorte de référence. Et l'idée aussi, c'était 69. Moi j'avais, je crois, bon, je me souviens plus, 17 ans, 17, 18. Et le fait qu'un écrivain très connu, il était très très connu, il faisait une bande dessinée. Bande dessinée très étrange. Comme ça, ça m'est donné aussi pour mes parents. Dis, ah, tu vois, faire de la bande dessinée, c'est pas seulement. Il y a aussi des écrivains qui font de la bande dessinée, ils pouvaient s'excuser. Mais ça donnait l'idée que la bande dessinée, c'était aussi important. Et c'était complètement des formes qui encore maintenant tu les vois, c'est un peu comme Caligaro, c'est de la bande dessinée poétique, c'est très très moderne à les voir maintenant. Voilà, après il m'a influencé tout le temps aussi que je suis arrivé à la fin à faire. Cette aventure du film d'animation, de créer un grand film sur cette histoire, que c'est tout en une aventure. Spielberg. Ouais, là, ça te parle. Je pense que tu as montré voilà, au stand, et c'est la ville qui était au stand. Oui, comme on sort. Comme on sort, oui. Bah oui, oui, c'est bien. Est-ce que au stand, c'est une forme de dommage, en tout cas que Spielberg est dans un coin de ta tête? C'est pas un dommage, mais forcément il est dans un coin de la tête, mais aussi on sort. Bon, après Spielberg, là où je croise un peu son chemin, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui cherche à représenter des choses, non pas pour la chose elle-même, mais pour ce qu'on ressent face à cette chose. Et donc, il n'essaie pas de peindre un paysage, il essaie de peindre ce qu'il ressent du paysage. C'est toujours intéressant. Momine, ça faisait partie des personnages qu'on lisait dans Linus, cette revue très avancée. C'est un peu comme Charlie, c'est la copie de Linus italien. Ils ont tout copié, tout le graphisme, tout ça. Et en Italie, cette revue Linus, il a commencé, c'était Umberto Eco, des antélos, qui ont commencé à donner, à créer une revue, et ils ont commencé à publier des personnages, une idée de bande dessinée que ça n'existait pas dans cette période en Italie, c'était l'année 60. Et un des personnages de ces livres, il y avait évidemment Schultz, il y avait Pogo, il y avait beaucoup d'autres personnages. Lee Lapner, Dick Tracy, tout ça, j'avais découvert sous Linus. En ce moment, il y avait aussi les Moomins. Et c'était des personnages que moi et Kramsky, on adorait. C'était très kramskien, en fait. Kramsky dessine aussi, lui, il a son dessin, il est très lié à Moomin, tu vois, des petits monstres, des petits personnages. Et quand j'ai commencé les Gear, les petits dessins de mes cahiers de Gear, à ce moment, j'ai dit, ah, ce serait pas mal de créer une sorte d'histoire d'une famille, de cet animal qu'on appelle Gear, et faire les aventures de ce personnage. L'envie de créer c'est ce que ça me plaisait à Moomine, c'est que raconter la douceur, raconter la fragilité, raconter la douceur, la capacité d'être bien, d'être fragile, d'être naïf. Voilà, toutes ces beautés-là et toutes ces choses-là qui, normalement, ne sont pas à la mode. Et ça me plaisait beaucoup, cette raconte comme des fables, quand je lisais une improvisation de l'histoire. Tu as l'impression que Moomine, après je ne sais pas, mais tu as l'impression que commençait l'histoire, s'ouvrir, s'arriver à un petit monde, commencer à parler. Voilà. Une façon très naturelle de raconter les histoires et cette douceur, aussi les choses dramatiques, non, bizarres comme ça, il y a toujours derrière une sorte de légèreté et de douceur magnifique. On a essayé. Derrière les Gear aussi, il y avait l'amour pour Fred, l'amour de l'improvisation de Mipius, on l'a dit, c'est des improvisations. Voilà. Je ne sais pas si Charlotte Zellerman, ça t'inspire. J'ai refait ce livre en me disant que ça faisait penser à. J'ai découvert son livre, tout ça. C'est un travail effectué par une femme autour de l'intime, mais aussi de la guerre, des conditions de guerre. Oui, donc c'est très engagé. Fenninger aussi, c'est un des grands maîtres qui, à un certain moment, m'ont fait ouvrir des fenêtres. Il y a eu un période où j'adorais plus Fenninger que McCain, me semble-t-il. Je sais que c'est un sacrilège, j'adore Wilson McCain. Mais il est tellement bien que c'est insupportable. Par contre, Fenninger, il venait d'un livre Bauhaus, allemand, peintre, qui il va en Amérique pour gagner la vie, en certain moment, pendant un an ou deux ans. Il fait de la bande dessinée pour les grands journaux. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Mais, alors, il y a des personnages qui ont une sorte d'aventure, mais en certain moment, il sort ce petit personnage de la petite fille qui regarde le paysage, et son regard, c'est poétique, ouvert, aussi là, très, très serein, très pur. Et l'utilisation, moi je ne sais même pas, je n'ai jamais lu le texte de cette page-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi je regarde les séquences, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les graphismes tellement élégants de Fellinger, la façon d'utiliser les graphismes pour la narration. Ce graphisme-là, il n'est pas américain. Ça n'entre pas dans l'école classique des cartoons américains. Ça ajoute quelque chose de culture européenne nouvelle. Et avec des références à l'architecture de l'image. Comme créer l'architecture avec des lignes, l'évocation de l'image. Évidemment, derrière, il y a Coquelet, tu vois, des grandes cultures allemandes. Et cette idée de faire des histoires, qui, pas d'histoire, des histoires avec que des images, ça m'a beaucoup. Je dois dire que en français, il y a un certain moment aussi l'école, on a créé une école qui s'appelait Ziofeniger à Bologne. C'était fait par le groupe de Valdolin, les copains de Ruth, c'était un peu avant les Frémorques et tout ça. Et on a créé une école le soir de bande dessinée. C'était moi, Igor Broly, Andrea Pazienza. Et on l'a appelé Ziofeniger, surtout pour ses relations. Je peux dire que c'est un des plusieurs maîtres que j'ai eu dans ma tête. Voilà, je te demandais ça un dernier, peut-être. Enfin, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour José Parrando. Oui, j'aime beaucoup José Parrando, mais je ne vois pas de lien. Ouais, pas nécessairement, mais j'aime bien les confrontations, etc. Et je pense que vous appréciez beaucoup, mais on peut dans des écritures qui sont radicalement différentes, parler aussi de douceur et peut-être aussi de noirceur dans la douceur. Mais écoutez, moi je propose c'est qu'on cède la parole au public. Voilà, on prend quelques questions. Qui commence? Qui se lance dans la mer de Stand? Alors, qui s'y met? Ah! Exposé. En fait, j'ai une question un peu simple, je crois. À un certain moment, vous repoussiez les deux la question du style, on comprend pas, mais quelque part, je trouve ça un peu paradoxal pour avoir des auteurs qui sont quand même très connus pour leur style, que ce soit graphique ou disons narratif. Enfin, ça fait pas. Est-ce que vous pourriez lever le paradoxe d'être reconnaissable pour un style? Moi, très sincèrement, je n'ai pas l'impression qu'on reconnaît mon style. Non, je le dis sans effet de rongeant. Et je ne tiens pas du tout. Non, après, peut-être que je suis rattrapée quand même à certains moments, mais je crois que j'ai fait quand même la plupart de mes boulots. J'ai changé de technique, j'ai remis à zéro les compteurs. Dès que je maîtrisais un outil, j'en changeais. Même au sein d'un même livre, ça m'amusait de me brouiller les pistes. Je sais pas, il y a une question du style, c'est vraiment un truc qui m'embête plus qu'autre chose. Hein. Mais bon, effectivement, à un moment, enfin, je me souviens, quand j'étais étudiante, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé le travail de Picasso, où je voyais qu'il se donnait à fond dans des périodes très spécifique, et puis pouf, il brisait et passait complètement à autre chose. Et pour moi, ça a été un maître à suivre. Cette dynamique, je la trouvais très intéressante, parce que je pense que dès qu'on maîtrise un outil, une façon, etc., on ne peut plus s'inventer, s'étonner, on s'ennuie un peu. Ben. Moi, je n'ai pas bien compris. La réaction avec le style. Oui, on dit tous les deux qu'on est contre le style, mais qu'apparemment nous aurions un style. Mais oui. Elle est beaucoup plus libre que moi, mais moi je crée mes prisons. Et je lutte tout le temps avec quand je commence à sentir que c'est une prison, je lutte, j'ai à côté. De toute façon, je suis pas quand il me demande une affiche, il me demande un maquettier. Je ne peux pas lui mettre une image abstraite, si c'est une commande, je ne peux pas lui donner une image complètement abstraite, brouillée, comme stigmate, en noir et blanc. Je dois quand même faire... Je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Si j'accepte les commandes, je joue les jeux. Et là, j'utilise un des langages, un des alphabets que je connais. Je fais du matopie, comme les gens pensent... Mais dedans, pendant que je l'ai fait, j'essaie tout le temps de le contredire. Il y a parfois que je vois, je me dois faire le maniériste de moi-même, mais à un certain moment, j'ai mis des traits un peu bizarres dedans, je dois quand même casser un peu les structures. C'est une lutte. Et moi, je lutte avec certaines prisons que les gens me donnent, que moi-même, je fais. Quand on commence à répéter soi-même, tu crées toi-même la prison. Je crois que c'est important chaque jour savoir qu'il y a cette lutte. Et cette lutte, ça fait que moi j'ai une sorte de méthode qui est de travailler sur mes cahiers. Et c'est une chose que j'ai fait depuis 40 ans. Dans mes cahiers, je commence à dessiner et je ne sais pas qu'est-ce qui ça va passer dans les papiers. Mais ça doit être un dessin terminé. Et chaque fois, je travaille avec l'improvisation. Et dans l'improvisation, parfois, il y a les plaisirs de se refaire moi-même, mais aussi de faire quelque chose de complètement différent, de jouer avec les couleurs, de jeter les couleurs, de faire des choses. Et c'est là que je découvre en moi-même que je ne connais pas. L'envie, c'est toujours dans mes cahiers de comprendre à quel stade je suis. Qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis? Quelle forme ils ont de moi? Si ce travail il est vivant, si ce travail il est tout le temps vivant, ça veut dire qu'il change tout le temps. Et l'effet que j'ai de ces cahiers-là, ça me donne une sorte de tranquillité, que je ne suis pas encore mort. Et je ne suis pas prisonnier. Après, je joue les jeux. Si je dois faire un truc, je peux le faire, je peux jouer, répéter les formes, répéter les choses comme ça. Mais quand je suis tout seul avec moi-même, il y a cette continuellement recherche d'émerveillement avec moi-même. Et c'est ça que ça me donne l'énergie. Sinon, c'est hyper annoyant. Hyper annoyant, répéter, parfois je dois les répéter. Les plus terribles, c'est quand ils te demandent, je ne sais pas, une couverture d'un livre, tout ça, et tu sais déjà les résultats. Dans ma tête, je dis, ah oui, je vais mettre le bleu, je vais mettre le rouge, ah oui, c'est comme ça. Et moi, j'ai une théorie que quand on s'ennuie, quand je m'ennuie, les dessins, il est vraiment mauvais. Et les gens, ils les voient. Les gens aussi, s'ils ne sont pas, je ne sais pas comment dire, ils sentent qu'il n'y a pas une énergie dedans qui a créé cette image, qu'il y a de l'ennui, de la répétition. Et ça, c'est très bien. Non, c'est vrai qu'en bande dessinée, il y a beaucoup de dessinée, on sent que le problème, c'est que c'est toujours lié à... Parfois, le dessin, il est vide, il est mort. Il y a beaucoup d'histoires avec un dessin mort. Et c'est l'histoire qui fait vivre le dessin. C'est le texte qui fait vivre un dessin mort. Ouais. Et il y a des lecteurs qui adorent un dessin mort. C'est dur, un peu dur, qu'est-ce que je dis. Mais... Si vous réfléchissez un peu, ça peut être quoi. D'autres questions? prendre une autre. Ah, n'hésitez pas. Ah. Vous avez dit avant que vous actualisez pas le résultat imprimé. Et vous, Dominique Gobet, comment vous. Quelle importance vous accordez à ça, au décalage que vous allez avoir entre le contrôle original et la version imprimée? Est-ce que peu vous importe ou est-ce que. Est-ce que le résultat imprimé est un peu. On a beaucoup d'importance dans la grande précision de la reproduction. J'ai la chance de travailler avec un éditeur qui donne le plus grand soin aux questions de photogravure, de scan, de gravure, de faire des objets qui sont faits avec beaucoup d'amour. J'ai un peu de mal à en parler, et en même temps, moi je suis un peu old school sur la question de la production. J'ai travaillé très très peu avec des outils graphiques, digitaux. Je m'y mets, mais en m'y mettant, je cherche à être handicapé avec cet outil. Donc je ne veux pas dessiner bien avec les graphiques, je veux que l'internet graphique foute le bordel dans mon dessin. C'est ça qui m'intéresse. Étant donné que je travaille avec le papier et que, oui, la question de la production, ça me touche beaucoup. Parce que c'est justement pas du tout une science exacte, c'est compliqué. Ça reste même encore aujourd'hui assez compliqué dès qu'on est un peu hors gamut d'avoir. C'est génial. Enfin, de l'avenir du sacré, je sais pas, mais. Non, moi j'ai déjà dit. Moi j'adore quand même. Quand il y a un graphiste, quand il y a un imprimeur, qu'il donne tout soi-même pour faire le mieux qu'il peut avec des dessins, avec toutes les couleurs, ça j'adore ça. Mais on n'a pas toujours la chance de ça. Parfois on travaille avec des idées, des éditeurs qui font des copies, beaucoup de copies. Parfois les résultats, c'est chiant quand le résultat il est vraiment pas l'auteur. Peut-être aussi, ça c'est un des privilèges de travailler avec des maisons d'édition qui ne sont pas mainstream, qui ne focus pas tout sur le rendement. Ça ne veut pas dire pour ça que parfois certains font aussi du très bon boulot de ce côté-là, mais moi je préfère un livre tiré un petit tirage, mais avoir quelque chose où tu as un support d'un éditeur qui va. Faire des propositions sur le thème du livre, sur le papier, c'est fou. Et puis, ça fait des objets que tu as envie de garder dans ta bibliothèque et pas de revendre après 3 ans, parce que, à un moment, c'est champignonnesque les livres. Et il faut bien se débarrasser d'une partie de la bibliothèque. Après, ça change avec le temps. Comme je disais que dans les années 80, j'avais l'impression, les lasers, l'impression que c'était extraordinaire. Tu vas les voir 40 ans après, c'est tout noir, c'est tout sombre, il y a tout, c'est tout sur le bleu, c'est tout sur le rouge. Et maintenant, il y a la possibilité de contrôler chaque ligne de la page, tu peux contrôler hyper bien. C'est comme ça que la technique aussi elle est tellement avancée. Et quand j'étais content avant, je les vois avec une sorte de. Ouais, et après, cette question de la sacralisation, elle démarre déjà à notre niveau, parce que moi, étudiante, je mélangeais n'importe quoi avec n'importe quoi. J'ai mis des huiles sur des feutres. On va sentir que mon papier, petit à petit, il brunit. Et s'il fallait reproduire les planches que j'ai fait de faire semblant c'est mentir aujourd'hui, on aura un autre livre, et peut-être que dans 20 ans, il sera troué, quoi. Ou des parties du dessin auront tout à fait disparu. où on travaille avec des feutres, par exemple, quand on est étudiant, on travaille beaucoup avec des feutres et tout, ça ne tient pas en fait. Sur certains papiers complètement acides, tout disparaît. Alors, on s'en fout quand on est jeune, parce que voilà, mais à un moment, on se dit, tiens, c'est quand même un peu dommage. Quelle colle on utilise pour coller le papier, par exemple. Moi, il y avait une colle. Fait par les graphistes, ça s'appelait Co-Car. Et c'était une pâte qui mettait tous les graphistes qu'ils utilisaient pour faire les layouts et tout ça. Moi, parfois, je l'utilisais pour coller des certaines choses. Avec les temps, ils sont devenus tout marrons. Oui, c'est ça. Toutes les taches marrons terribles qu'ils ont détruit des originaux. Oui. Mais, par exemple, les feutres, il y a tout un groupe de dessinateurs de frigidaire, Andrea Pazienza, Scott, tout ça. Et à cette époque, ils utilisaient tous les pantons, les feutres pantons, maintenant les originaux, s'ils ont pris de la lumière et tout ça, ils sont tous roses. Oui, oui. Ils ont perdu toutes les couleurs, ils sont un peu bleus, un peu roses. Heureusement, moi j'utilisais l'encre de chine. Et Hugo Pratt, par exemple, il y a une période, j'utilisais les feutres pour faire les lignes. Et tu le vois tout de suite, maintenant, les cortes maltaises de cette période feutre de Hugo Pratt. Parce que la ligne, elle est devenue marron. Oui, Mandelbo, par exemple, c'était le premier dessinateur que je voyais utiliser du bic. Qui ça? Mandelbo. Ah oui. Et ça m'avait totalement fasciné. Déjà ici, on voit que le papier jauni et les rouges sont un peu rose-orangé. À cause de lui ou grâce à lui, je me suis mise à utiliser le bic. Je pense que j'ai été la première à le faire en bande dessinée. Et puis j'ai fait des grands formats. Bon, aujourd'hui, ils sont un peu orange et c'est quand même un peu décevant. Quoi. Et d'autant que je mettais de l'huile par-dessus, ou du fixatif, ou n'importe quoi, de la laque à cheveux. Quoi. Pour avoir un peu des effets, ça coulait, c'est chouette. Mais c'est vivant, quand même. D'accord. À l'autre côté, c'est vivant. Oui. C'est des œuvres qui vivent. À condition que. Est-ce que c'est les originaux qui comptent ou est-ce que c'est les reproductions? Et si on est à cheval entre des questions d'exposition et des questions de publication, oui, la publication, si on a des bons documents, et encore, parce que, évidemment, les techniques changent. On croit que c'est à vie. Ah, on a fait des excellents scans, mais dans 20 ans, le scan, c'est quoi cette connerie, un scan? On ne peut pas parler de tous les dessins digitales. On ne sait pas combien de temps ça dure. C'est les disques. Et il faudrait déjà sauvegarder sur plusieurs disques durs, ce que personne ne fait. Personne, en tout cas pas moi, et ce genre de conneries, quoi, mais voilà. Oui, la question de... C'est que les caramètres des fresques, ou les jets égyptiens, et en même temps, il y a dans ce manfoutisme et dans cette légèreté aussi un accès à la désinhibition, parce que c'est, oh là là, le tout beau papier qui conserve 10 000 ans... qu'il faut aussi aborder comme un truc sacré, ça fout la pétoche, quoi. Donc, trouver un moment un peu l'entre-deux, peut-être, je sais pas. C'est une bonne question, hein. C'est une question super intéressante. Donc, je vais parler de ça. Alors, c'est juste, c'est quoi le facteur principal qui permet d'apprécier une BD dans le temps. Genre personnellement, c'est l'ambiance. Et ça reste... Pour toi, c'est l'ambiance. Ouais. Ouais, c'est l'ambiance de BD, genre qui reste avec moi et tout ça, mais c'est juste pour vous. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'une BD reste dans ton cœur est vous Quand tu lis la bande dessinée ou quand tu l'as fait Quand vous l'avez dit. Quand on lit. Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas envie de rajouter un truc. Tu as dit quoi? L'ambiance. L'ambiance ou le style, ou la façon de créer les images. Non, juste l'ambiance globale du récit. La sensation que tu en tires après, une sorte de sensation, d'émotion et C'est un mystère. Moi, je trouve que c'est... Oui. C'est... Il y a des auteurs qui arrivent à te faire passer un monde d'évoquer, mais avec les formes, avec les lignes, avec les noirs et blancs, les gris. C'est tout un corps, un langage. Il y a certains qui sont bien et d'autres qui sont morts. Et moi, je dis toujours, il y a des grands illustrateurs qui, quand ils essayent de faire de la bande dessinée, sont morts parce qu'ils ont l'habitude de faire un travail différent. Parce que la bande dessinée, il y a aussi un mystère. Tu fais une ligne, il y a des dessinateurs qui font une ligne et cette ligne, elle est vivante. Tu fais une ligne, elle est vivante. D'autres lui font une ligne, elle est morte. Et elle ne raconte pas. Alors c'est toute la capacité de certains auteurs. Après chacun il aime des choses, il aime d'autres, les deux c'est très différent. Moi pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est pas l'histoire. C'est la capacité d'évoquer en silence les formes, les couleurs, les images, quelque chose. Moi, pour être honnête, ce qui en général me fascine le plus, c'est quand j'arrive à entrer vraiment super profondément dans la psychologie des personnages. Et alors pas par le visage, mais un rapport entre posture, l'atmosphère et l'écriture et ce qui est raconté, et que j'ai l'impression que je rentre dans l'intimité profonde de ce personnage. C'est un truc qui me... Je suis plus sensible à tout l'aspect émotionnel, mais de la même manière qu'on peut, par exemple, soudain se mettre à apprécier un plat que jusque-là on détestait toujours parce qu'on le regoute, qu'on le regoute, qu'on le regoute, des auteurs qui m'ont fait accéder à comme des niveaux, c'est aussi quelque chose. Parce que donc, ça, c'est un déclic intellectuel. C'est-à-dire un déclic intellectuel grâce à une œuvre, ça reste aussi à vie. Mais c'est un autre point. C'est aussi, il y a des dessinateurs qui sont des virtuosistes. C'est comme un Paganini qui joue, qui sont incroyables. Ils te font des ambiances incroyables, riches, hyper des cris et tout ça. Mais quand tu commences l'histoire, tu t'ennuies, un certain moment, tu dis bon, ça va. Et d'autres, que peut-être avec 4 traits, signes, 3 tâches, 4 lignes, tout ça, et tu commences à les suivre, et tu commences à entrer dedans, et tu arrives tout de suite, et tu descends à côté. Tu racontes des choses qui sont intimes. Bah, ça, c'est le grand mystère. Hein. De lire, de communiquer aux autres. Voilà. Je pense qu'on va conclure là, c'est une belle manière de conclure. Donc, je voulais vous remercier tous d'être là. Vous rappelez, pour ceux que ça intéresse, que demain à 2h30, il y a deux tables rondes qui ont lieu à Cabert autour de nouveau des rapports entre art plastique et bande dessinée, mais aussi à travers les médiateurs. Donc, on aura. Des auteurs, Olivier Leroux, Philippe Dupuis, les éditions Matière, Agathe Martel, qui sont là pour Anthony Rajol, qui sont là pour dialoguer autour de ces questions-là. Donc c'est à 9h30 à Québec, donc la bibliothèque Marignan, juste à côté de la gare centrale. Voilà. Je ne vais évidemment pas terminer cette rencontre sans remercier Lorenzo et Dominique. Je pense qu'on aurait encore pas. Voilà. J'avais encore des tas de questions, mais voilà exactement. Voilà, mais en tout cas, merci vraiment pour la densité du dialogue qu'on a construit. Merci.